dans les bas-fonds, ici trop de remise en question. Ouais, souvent je me questionne, moi de ces anges devenir démon. Puéré comme des damnés, génération condamnée. Aucune chance on lui a donné, traque l'oseille avec un schlass. Hack 5 dans une barre, ça prépare le prochain casse. Voit son avenir dans un palace, mais finira en cage. Génération enfermée, dans un monde qui lui échappe. A trop fréquenté le chétan, ils verteront avec les flammes. Génération suicidaire, le seul souci c'est que tout le monde s'en fout. On passe du rêve au cauchemar ou du paradis à l'enfer. Quoi on t'a pas dit? Regarde dehors c'est la guerre. Tu veux gravir les échelons, atteindre les sommets, mais le chemin est bien trop long. Et beaucoup voudront te soumettre comme les joints qu'on crame. Un petit feu, on se consume. Je remarque dans ce monde, il n'y a que des voix sans issue. J'ai fait un rêve que les hommes étaient tous égaux, que je pouvais aller loin avec ma tête de négro. Dans ces rêves j'étais quelqu'un d'ambitieux en aucun cas. Ces messieurs pouvaient me barrer la route, seul Allah je redoute. Dans ce rêve j'étais fier et fort, car dans ce rêve c'était la guerre. J'ai vu des frères tomber sous les balles. On passe du rêve au cauchemar, trépasse pour un regard. Génération débrouillard qui ne voit pas clair dans ce brouillard. Génération enfermée dans un monde qui lui échappe. Pour lui la vie c'est les sapes, le shit et les salopes, les victimes et les carottes. Mais qui lui a dit qu'on ira tous au paradis? C'est comme dire que Jean-Marie Le Pen n'incite pas au racisme. Un monde infesté de requins. Donc méfie-toi, les pires ennemis sont pas ceux qu'on croit. J'ai appris que dans ce bas monde valait mieux croire que ce que l'on voit. Génération débrouillard qui porte l'étiquette de Yuva. Non, ce n'est pas un lover dans sa tête, c'est Mama Lova. À fond dans le gangsta rap, tu connais pas, ne lui parle pas. Résous ses problèmes par les armes. Génération, pas le bac, pas de taf, donc pas de femme. Que tu mets au garde. J'ai fait un rêve que les hommes étaient tous égaux, que je pouvais aller loin avec ma tête de négro. Dans ces rêves j'étais quelqu'un d'ambitieux en aucun cas. Ces messieurs pouvaient me barrer la route, seul Allah je redoute. Dans ce rêve j'étais fier et fort, car dans ce rêve c'était la guerre. J'ai vu des frères tomber sous les balles. On passe du rêve au cauchemar, trépasse pour un regard. Génération débrouillard qui ne voit pas clair dans ce brouillard.